Amis humains, bonjour. Un peu d'astronomie. Nous vivons dans un monde électrique. Deuxième partie d'un article de Wallace Thornhill. Le modèle de l'univers électrique propose à partir de notre position dans le monde, une large vue d'ensemble cohérente couvrant plusieurs disciplines. Il met en évidence la répétition de la manifestation électrique à toute échelle, ce qui autorise l'expérimentation de laboratoire, l'explication de phénomènes énergétiques étranges, constatés par exemple dans l'espace lointain, sur le Soleil et sur Io, la lune de Jupiter. L'univers électrique s'appuie sur des observations passées, plutôt que sur des origines théoriques idéalisées. Il donne des réponses simples à des problèmes revêtus aujourd'hui de métaphysique et de mysticisme à la mode. Plus interdisciplinaire, il inclut plus d'informations que toute cosmologie antérieure. Il montre des possibilités pratiques bien au-delà des limites fixées par la science actuelle. Le modèle de l'univers électrique a germé d'une large démarche scientifique interdisciplinaire. Ce n'est pas une science enseignée à l'université. L'univers électrique s'appuie plus sur l'observation et l'expérience que sur la théorie abstraite. Il reconnaît des liens entre diverses disciplines. Il conclut que la condition essentielle à la compréhension du monde consiste à tenir pleinement compte de la nature électrique fondamentale de l'atome et ses interactions. Bizarrement, ce n'est pas le cas en cosmologie conventionnelle, où le magnétisme léger et la force de gravité infiniment plus faible régissent le cosmos. Ce genre d'omission peut convenir dans les laboratoires terrestres, à une physique théorique établie sur la neutralité électrique de la matière, mais elle ne se prête pas à l'espace où le plasma domine. Le plasma est appelé « quatrième état » de la matière, après l'état solide, liquide et gazeux. Or, la majorité de ce qui existe dans l'univers se trouve sous forme de plasma. Un plasma se forme quand, dans un gaz, se séparant de leurs atomes, des électrons chargés négativement laissent leurs hôtes avec une charge positive. Les électrons chargés négativement, et les atomes chargés positivement, appelés ions positifs, sont alors libres de se déplacer séparément sous l'influence d'une tension ou d'un champ magnétique. Leur mouvement caractérisé constitue un courant électrique. L'une des propriétés les plus importantes d'un plasma est donc sa capacité à conduire le courant électrique. Il le fait en formant des filaments de courant qui suivent les lignes de champ magnétique. Les formations filamenteuses sont omniprésentes dans le cosmos. Un peu d'histoire. Pour sûr, la nature distribue inégalement ses dons à ses enfants. Mais il y a beaucoup de bien dotés, Dieu merci, et je suis fermement convaincu que la plupart d'entre eux vivent des vies discrètes à l'écart. Albert Einstein. Les éléments de la large vue d'ensemble de l'univers électrique sont le fait de gens remarquables, la plupart inconnus, ayant vécu des vies discrètes à l'écart, loin des universités. Chez ceux qui ont la conscience de l'histoire, ce fait devrait aiguillonner la curiosité plutôt que l'émousser. La plupart des révolutions scientifiques sont le fait de gens formés ailleurs que dans le système universitaire, n'ayant pas été formatés par les idées fausses et la mode du moment. Il est bien connu que les établissements scientifiques modernes sont gérés de manière à respecter la conformité et empêcher la recherche et la publication d'idées révolutionnaires. J.R. Saul soutient que la scolastique médiévale a été rétablie au XXe siècle. Si c'est bien le cas, comme auparavant, les nouvelles, lumières, devront venir de l'extérieur du monde universitaire. Pour moi, l'illumination a germé grâce au grand penseur controversé, auteur de Monde en collision, Immanuel Wlikowski. en 1950, faisant montre d'une technique comparative interdisciplinaire, il découvrit des preuves tangibles d'événements planétaires dantesques dans les chroniques des tout premières civilisations. Sa méthode usa de l'investigation judiciaire en ceci qu'il s'attacha à rendre compte d'événements physiques d'une nature hautement inhabituelle, néanmoins globalement corroborée par des cultures totalement étrangères. Ainsi, appliquant le principe scientifique de causalité, il lui fut possible de reconstituer un canevas très détaillé de cette suite d'événements. Par la suite, ce modèle permit les prédictions précises et leur confirmation, conditions requises de théories scientifiques valides. Certaines des prédictions qu'il fit étaient extravagantes pour l'époque, Vénus aurait été quasi incandescente, Jupiter aurait émis un bruit radio, les roches lunaires se seraient magnétisées, et ainsi de suite. Wlikowski avait raison, les astronomes de l'époque avaient tort. Néanmoins, parce que sa théorie fut jugée erronée, vous ne trouverez aucun manuel lui rendant hommage. Est-il imaginable que tout ce qu'il devina fût un coup de chance ? Il était devenu évident pour Wlikowski que le concept newtonien de gravité était insuffisant pour expliquer les récits du comportement des planètes. Et il ne peut certes pas répondre à cette question évidente, pourquoi les cieux ont-ils l'air si calmes maintenant ? Cela permit une réaction dogmatique du monde universitaire à la fructueuse percée de Wlikowski. Il lui fut dit que sa théorie ne se conformait pas aux lois de Newton. Mais que c'est Newton de l'électricité. Et si quelqu'un pense que les lois de Newton garantissent la stabilité d'un système planétaire, qu'il se détrompe. Tout système gravitationnel de plus de deux astres en orbite est instable. Seulement, ce problème n'est pratiquement jamais abordé, et encore moins solutionné, qu'est-ce qui produit la stabilité évidente du système solaire ? Wlikowski était convaincu que la clé réside dans sa découverte, les forces électriques dominent la force incroyablement faible de la gravité lors des confrontations de planètes proches. Bien qu'il fût incapable d'expliquer à l'époque comment cela pouvait créer la stabilité du système solaire, grâce à sa prescience étonnante, il avait ouvert la voie à l'univers électrique. Note, comme il ressort par la suite que les planètes se lançaient des éclairs de foudre, comprendre confrontation de planètes dans le sens de violents échanges entre planètes plutôt que collision de planètes. Depuis lors, des érudits sceptiques ont montré que la vision des événements historiques cataclysmiques de Wlikowski s'avère fausse. Néanmoins, son axiome de base de confrontation de planètes a été confirmé, et les détails étoffés à un degré extraordinaire. Plusieurs pionniers de la recherche dans ce nouveau domaine admettent désormais que d'impressionnants échanges entre planètes eurent lieu dans la préhistoire. Chez les plus anciennes civilisations, ces souvenirs furent intégrés dans la culture. Ils furent l'inspiration des pyramides, des mégalithes, statues, totems et de l'art sacré rupestre. Les survivants des bouleversements terrestres estimèrent que dans la perspective du retour des « dieux », il était impératif de préserver la mémoire et de la transmettre fidèlement aux générations futures. Représentant la puissance apocalyptique des dieux planétaires au-dessus de la destinée humaine, la commémoration prit des formes architecturales, rituelles et historiques. Des origines aussi catastrophiques expliquent pourquoi, sortie de nulle part, la civilisation apparut comme un coup de tonnerre. Malheureusement, sans référence dans le comportement actuel des planètes, ces chroniques ont perdu leur vraie signification. Sans présentation des preuves qu'il était à profusion, cette courte explication pourra sembler osée. « Toutefois, elle met en relief la différence cruciale entre le catastrophisme planétaire de l'univers électrique et celui des néo-catastrophistes, qui veulent expliquer les preuves de confrontation de planètes dans le sens de phénomènes cométaires. Les comètes actuelles ne cadrent tout simplement pas avec les descriptions du passé, ni ne peuvent expliquer sur les planètes la foison de marques d'excavation et de balafres paraissant récentes. Par ailleurs, dans un monde électrique, les comètes ne sont pas pour la Terre la menace apocalyptique des représentations d'artistes imaginatifs. Ces images sont totalement fantaisistes car, avant de frapper la Terre, toute comète serait électriquement disloquée par un coup de foudre cosmique. La seule marque visible résiduelle serait un cratère d'arc électrique, comme Meteor Crater en Arizona. Le modèle de l'univers électrique a germé de la prise de conscience qu'une nouvelle cosmologie du plasma et la compréhension des phénomènes électriques dans l'espace pourraient faciliter les nouveaux travaux en cours de mythologie comparée. En retour, des allégories d'événements attestés dans le ciel préhistorique et leur ordre de succession pourraient aider à démêler l'histoire récente de la Terre, de Mars et de Vénus. Intégrant les données d'une période de savoir et d'existence humaine bien plus large que ne le permet la cosmologie classique, le modèle de l'univers électrique commença à donner des réponses pragmatiques et logiques à de nombreuses questions qui semblaient sans rapport. Se conformant à la recommandation de Han Alfvén, lauréat du Nobel, spécialiste en physique des plasmas et en cosmologie, de partir d'observations du passé au lieu de se projeter en avant à partir de quelques prémices théoriques idéalisées. Il nous faut réapprendre que la science sans contact avec l'expérience est une entreprise susceptible de se perdre complètement en conjoncture imaginaire. Evolution of the Solar System, NASA 1976, H. Alfvén et G. Arrhenius, page 257. La récompense est aujourd'hui une grande vision synthétique qui révèle notre dramatique préhistoire et sa relation essentielle avec l'univers. Nous n'avons plus à nous regarder, nous-mêmes et le monde, à travers les miroirs déformants du spectacle de foire de la science moderne. Les implications de l'activité électrique interplanétaire seront profondément dérangeantes pour ceux qui ont bâti leur cosmologie autour d'une faible force gravitationnelle s'exerçant dans un monde aride électriquement. L'étrange omission dogmatique de l'électricité garantit qu'à l'avenir rien ne restera de la théorie charlatanesque du Big Bang ou de la fable simpliste de la formation du système solaire. Deuxième partie d'un article de Wallace Sornil. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.